On va parler au président du hockey mineur de Robertval et l'instructeur chef en même temps des Hurricanes de Mastouillage. On a parlé avec les Rapides. On a parlé pas mal avec les Rapides, avec Sébastien Godette. Là, on va parler avec Hugo Malta. Salut, Hugo! Salut! Hugo, tu t'es pris une nouvelle job? Ouais, c'était pas volontaire. Ouais. Moi, j'avais collaboré là, avec M. Alex Paul pour donner des noms parce que à la base, là, OK, Sénac-Saint-Jean voulait avoir quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. OK. Idéalement, donc on a soumis une liste de candidats. Là, moi, j'ai soumis à M. Paul là, une liste de candidats là, de 4 à 5 noms que potentiellement, il y avait sûrement les compétences pour être là. Maintenant, est-ce que l'intérêt était là? Ben là, ça, c'est une autre histoire. Là. Puis ça s'est fini que. Les gens que moi, en tout cas, je sais pas la démarche qui a été faite par l'hockey mineur de Mastoyache, mais ça a fini que Alex Paul m'a appelé là, un dimanche soir pour me dire ben regarde Hugo, tous les noms que tu as donnés puis toutes les démarches qu'on a faites, il y a personne qui veut finir l'année. Ça fait que là, t'es le seul, parce que ton garçon joue là-dedans puis t'es un parent, ben t'es le seul qui pourrait finir l'année si tu veux bien finir l'année, parce que sinon, ben on va mettre la clé dans la porte. Ouais, fait que t'as comme été pris dans l'engrenage, ben, oui. Là. Ben, j'ai été pris dans l'engrenage parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai un autre garçon là, qui joue Pibou 2B, là. Donc, ouais. Moi, là, cette année, en coachant pas, ben, je suivais mes deux garçons quand ça me tentait. Mais là, sur l'autre bord, ben, là, si je tiens à mon principe, ben, il n'y a plus personne qui joue. Là. Mon plus vieux joue plus, c'est sûr, dans le Bantam 2B, puis il y a 16 joueurs qui jouent plus. Fait que là, après là, avoir parlé avec ma femme, là, ben, on a dit, regarde, on va aussi faire ça pour les 16 petits bonhommes, y compris Simon, donc pour qu'on finir l'année. Ça fait que j'ai pas fait de gaieté de cœur, mais tant qu'à le faire, par exemple, ben on essaye de le faire correctement. Ça fait que oui, par la force des choses, je me suis trouvé un dernier passe-temps pour finir la saison d'hockey. Puis ça n'a pas été long que les Hurricanes ont monté pas mal la pente, là, parce que là, c'est 2-0 dans la série qui ont été rapides, mais 4 victoires de fil, là. Oui, ça va bien. Honnêtement, je veux dire, c'est pas je pense pas que le puis même sous la c'était quand c'était Marco, les gens ont jamais douté du talent des petits bonhommes qui étaient là. Puis je veux dire, c'était une équipe où est-ce que le talent était là. Moi, je l'ai toujours dit là à Mastoyache, t'as deux bons gardiens de but, puis t'as probablement la meilleure ou sinon la deuxième meilleure défensive à Mastoyage. Donc de ce côté-là, depuis le début de l'année, les jeunes ont ce talent-là. À l'attaque, on n'a pas l'équipe la plus talentueuse au niveau du talent offensif, les mains, mais on est vaillant. Donc là, ben pour toutes sortes de raisons, là, admettons, je vais te dire que j'ai le beau rôle, là, mais c'est les jeunes sur la glace qui ont décidé que regarde là. Ils voulaient se prouver à eux autres, donc là ils sont en train de se prouver qu'ils sont une bonne équipe. Puis avant que les événements arrivent, ils étaient quand même troisième dans la ligue. Fait qu'on a fini troisième, puis là ben c'est ça, on a commencé les séries, puis ça va bien. OK, contre les Rapides, j'ai parlé avec Sébastien Godette, puis il m'a parlé que c'était quand même le premier match, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, 3-2 en fusillade. Le deuxième match, par contre, c'était complètement... Écoute, j'ai parlé avec Alexandre, puis il disait que c'était un match sans faille du côté des Hurricanes. Oui. Honnêtement, si je suis honnête, le premier match aurait été à l'eau rapide. Ouais. Si on va au mérite, là, ouais. Je pense que Mistassini aurait dû sortir avec la victoire. Puis ils ont eu les opportunités de le faire. Là. Moi, j'ai pas eu d'avantage numérique de la partie. Mistassini a eu dans les 5 dernières minutes de la partie, là, en troisième période, 2 avantages numériques. Ils en ont eu un en prolongation. Puis ils ont pas su capitaliser là-dessus. Donc oui, j'ai eu en plus au travers de ça là, un arrêt d'une vie de mon gardien de but là, dont en prolongation qui a fait qu'on s'est rendu en fusillade. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ben à force de nous laisser des chances, ben, à un moment donné le hasard, là, c'est en fusillade, c'est rendu un hasard quand même. Là. Donc le hasard a fait qu'on a pu gagner. Mais moi, quand je suis arrivé à Mistassini là, dimanche, là, je parlais justement avec la gérante des Rapides. Puis j'ai dit, tu sais, honnêtement, tu devrais mener la série 1-0. OK, OK. Sauf que, là, ça, moi, je suis honnête, là, il dit, tu devrais mener la série 1-0. Moi, le samedi, je la méritais pas. Donc, on a changé des petites affaires, on a modifié des petites choses, une autre pour notre partie de dimanche. Puis là, ben, ça, là-dessus, là, ça a été vraiment là, une partie, comme Alexandre l'a dit, hein, sans faille. Donc, oui, une belle victoire là, à Mistassini dimanche. Puis on va voir là, ce soir, on joue le troisième match tout à l'heure à Mastriach. Donc, on va voir là, Ah, c'est vrai, c'est à Robertval. C'est pas à Robertval, ça appartient à Mastriach, c'est vrai. Non, ça appartient à Mastriach. Puis deuxièmement, ben, c'est les séries simples lettres. Puis moi, les séries simples lettres, là, j'ai la catégorie midget. Puis ce soir, ben, j'ai des parties dans les séries simples lettres. Donc le midget est à Robertval pour les séries simples lettres. Puis moi, ben, je joue ce soir là, à 19h à Mastriach contre les Rapides. OK. Dis-moi maintenant, si on y allait avec. On va parler au président du hockey mineur. Es-tu content de l'aréna? Oui. Ouais. Oui. Okay. Je suis content, oui. Honnêtement, là, je veux dire, il y a des petits. C'est sûr que dans un monde idéal, là, probablement que si on parlait à Carole Martel, tu sais, il n'y aurait peut-être pas décollé la fin de saison. Il y a des petites choses à corriger, puis on est au travers de tout ça. Il y avait une entente avec le responsable là, du tournoi amateur à Robertval, comme de quoi que le 1er mars. Les glaces allaient être prêtes parce que dans son tournoi adulte, il y avait, je pense, sur 12 équipes, il y en avait 5 de la région de Québec, donc avec les hôtels puis la restauration. Fait que peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que l'aréna ne serait pas ouverte, puis il ne serait pas nécessairement à tout finaliser, là, les petits détails peut-être qui sont manquants. Mais je te dis que, en tout cas, moi, je suis très, très, très, très, très satisfait. Je suis allé 2-3 fois, je suis allé encore mardi. Je trouve que c'est un beau projet. Il y a des choses à finaliser, comme là présentement, moi, mon local, donc il meurt dans l'aréna, il n'est pas prêt encore parce que il priorise les chambres, il priorise là, ce qui est le plus urgent. Moi, j'ai dit tant que j'ai mon local en début septembre de l'année prochaine pour commencer mon année, ben c'est pas grave, Carole. Là, ils vont au plus pressant, ils finalisent tout ça. LSM est là pour le son, la musique, le tableau. Mais écoute, là, c'est une réussite. Là. Moi, en tout cas, là, je suis très, très, très satisfait de. T'auras toujours des chialeux, c'est clair. Là. Ils vont dire t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. C'est clair. Là. Mais moi, je pense que avec notre capacité de payer, avec la grosseur de ville qu'on a à Robertval, on a quelque chose de vraiment bien. OK. Si on y allait maintenant avec des éliminatoires dans le Saint-Pélette, comment ça va dans tes équipes? Ben tout le monde commence. Moi j'ai pas. Moi tout le monde commence en fin de semaine. Donc dépendamment des catégories. Je sais là que mon midget, moi, c'est à Robertval, mais il commence ce soir. Le Bantam commence samedi à Saint-Bruno. J'ai mon Pee-wee là qui commence. J'ai mon Pee-wee qui commence en fin de semaine à Mistook. Puis la même catégorie, donc Atome à Saint-Félicien, puis mon novice à Normandin, Dolbeau-Normandin. Donc tout le monde commence, moi, à partir de samedi. Ça va s'échelonner, dépendamment de leur réussite, là, ça va s'échelonner soit sur en fin de semaine, puis leur saison est déjà terminée, ou sinon, ben s'ils sont capables de passer là, le 2 ou 3 premières parties, ben ça va finir là, la semaine prochaine là, au niveau du 23 ou du 24 de mars pour les séries. Si on est chanceux, ben il y a des équipes après Pâques là, qui vont aller à la ronde des champions. Mais là, on est vraiment là dans les deux dernières fins de semaine là, du hockey Saint-Pélette là dans la région là, avec nos séries. OK. Ben Hugo, ça fait pas mal le tour. Y a-t-il d'autres choses à ajouter peut-être? Oui. Ouais. Non, c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour de nos activités présentement. Puis l'Atome 2B, c'est la même affaire. Là, donc ils finissent la saison cette semaine. Puis la semaine prochaine, ils commencent là, leur série. Là, la première fin de semaine des séries se donne à Robertval dans la tourne dans notre nouvelle aréna. Mais c'est pas mal là, ce qui fait le tour du hockey mineur à Robertval de ces temps-ci. OK. Ben Hugo, maintenant, on s'en parle. Bonne chance. Ben, je sais pas si je dois te dire bonne chance, puisque étant donné que tu joues contre notre équipe locale. Donc, mais quand même, on va souhaiter la meilleure des chances pareil. Ben, c'est une belle rivalité, puis ouais. C'est pas une grande compétition. Là, c'est une belle rivalité là avec Sébastien, puis c'est bien plaisant. Oui. Donc Hugo Martel, instructeur chef des Hurricanes de Mastriach, et président du hockey mineur.